remettre le navigateur Google par défaut. Donc moi j'ai installé, Yahoo, mais j'ai mis Yahoo comme navigateur par défaut. Comment remettre le navigateur Google par défaut? Donc moi j'ai installé, Yahoo, mais j'ai mis Yahoo comme navigateur par défaut. J'ai reçu un message de Khalidou Barry qui me remerciait pour la vidéo sur comment ne plus jamais oublier vos mots de passe. J'avais fait une vidéo, donc si vous l'avez pas vue, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permet bien de ne plus oublier vos mots de passe. Cédric, par exemple. Eh bien, je vais à nouveau être redirigé vers les recherches de Google. Voilà, ça se passe au sein de l'Omnibox. Et l'Omnibox, c'est la barre qui contient à la fois les adresses internet, mais qui permet également de lancer des recherches directement à partir d'ici. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très intéressant, c'est mieux se connaître pour mieux réussir. Enfin, j'espère que quand on grandira en campus, on deviendra plus mature et qu'on essaiera de ressembler à soi-même.